Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, le golfeur Kevin Fortin-Simard a conclu sa première participation à la Coupe Canada qui s'est déroulée à Victoriaville en troisième position. Le golfeur natif de Saint-Prime a joué une ronde de 70 hier pour terminer au troisième rang. Fortin-Simard avait joué des rondes de 65, 65 et 66 lors des premières épreuves. Et puisqu'il est question de golf, signe des temps que la saison achève à grands pas. C'était le championnat du club de Chibougamau en fin de semaine. Et le grand gagnant à Chibougamau, c'est Marc-André Bougie qui a joué une carte de 149 pour être le grand gagnant. Classe A, Julien de Fillion a terminé en première place avec 156. Classe 2B, Guillaume Gironne a joué 144. Dans le B, Félix Kessy a joué 178. Et dans le 2C, Marc-André Ouellette a terminé avec un pointage de 145. Et en classe chez les femmes, maintenant, c'est Guylaine Martel qui a remporté la victoire avec un pointage de 177. Et en classe B, Guylaine Côté a terminé au deuxième rang avec un pointage de 188. Donc, il y avait 40 joueurs qui étaient inscrits pour cette compétition. Maintenant, hier, les Saguenay de Chicoutimi étaient en action hier. Les premiers matchs au concours pour les Sags qui ont perdu 3-2 contre le Drakkar de Baie-Comeau. Donc, dans le match, faites à noter que les buts ont été marqués par Pierre-Alexandre Boulet et également Xavier Fillion. À noter que Fabrice Fortin de Saint-Félicien et Mikissim Awashish de Massouillache ont été en uniforme et ils ont été blanchis dans les deux rencontres. Maintenant, du côté du hockey, le MJR Express de Jonquière ont été vendus. On sait que le club appartenait à Bob Desjardins. Donc, le club a été vendu à Hugues Rochette, qui est un représentant des ventes chez Identification Sport. Hugues Rochette, évidemment, doit par contre obtenir l'approbation des gouverneurs qui devrait se dérouler jeudi. Mais selon les dires du journal quotidien ce matin, ce serait qu'une formalité. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient hier. D'abord, victoire du FC Jean Dumas 3-2 sur le FC de Saint-Félicien dans un match de catégorie senior féminin. Et du côté de senior féminin, l'attaque de Saint-Prime a battu le Chinook de Chicoutimi 5-3. Le sport local et régional à danradiosport.com.